إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc on continue inshallah et on clôture aujourd'hui l'explication du livre en langue française, du livre intitulé Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, parmi les trésors du Saint Coran, du grand savant de Médine Abd al-Muhsin al-Abbad al-Badr hafizahullah ta'ala wa ra'a. Le Cheikh, à la fin du livre, il nous explique les deux dernières sourates du Coran, c'est-à-dire sourate al-Falaq ou sourate al-Nas. Et c'est donc le cours d'aujourd'hui qui vont porter sur l'explication des versets de ces deux sourates. Yaqul al-Sheikh, sourate al-Falaq. Qawluhu ta'ala, Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Donc ça c'est sourate al-Falaq. Le Cheikh nous dit: مما ورد في فضلها مع سورة الناس حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألم تر آية أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس رواه مسلم. Donc dans cette sourate dont la traduction du sens des versets est la suivante, dit: je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, et contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Wa min sharri hasidin idha hasad. Le Cheikh, il va nous rapporter des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouvent l'importance et le mérite de cette sourate. Et le premier hadith qu'il nous présente, et le suivant également qu'il va nous présenter, c'est en rapport non seulement avec sourate al-Falaq, mais également sourate al-Nas. Donc, ces hadiths, ils sont valables pour sourate al-Falaq et la sourate qu'on va étudier ensuite, sourate al-Nas. Il nous rapporte un hadith de Uqba ibn Amir, qu'Allah l'agré, et qui est un hadith rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: n'as-tu pas vu des versets qui me sont descendus cette nuit? On n'a pas vu de semblable à elle ou à eux, c'est-à-dire ces versets, on n'a pas vu de semblable à ces versets, qat. Et ensuite réciter donc les deux surat, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Donc surat al-Falaq ou surat al-Nas, donc les versets qui sont compris dans ces deux sourates. Également un autre hadith que nous rapporte le Cheikh, hadith Abdullah ibn Khubayb قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة في طريق مكة فأصبت خلوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنوت منه فقال قل فقلت ما أقول قال قل قلت ما أقول قال قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها ثم قال قل أعوذ برب الناس حتى ختمها ثم قال ما تعوذ الناس بأفضل منهما رواه النسائي بإسناد حسن. Le deuxième hadith qui nous rapporte le Cheikh et qui est toujours donc dans les mérites de ces deux sourates, c'est un hadith qui nous est rapporté par Abdullah ibn Khubayb, un hadith qui se trouve dans les Sunan de l'imam An-Nasa'i rahmatullah alayh, et qui a une chaîne de transmission qui est bonne, considérée comme bonne. Il nous dit Abdullah ibn Khubayb qu'il est avec le prophète sallam en voyage, c'est-à-dire sur la route de Mecca, en direction de Mecca. Il a donc été seul un moment avec le prophète sallam, et à ce moment-là il s'est rapproché de lui Et le prophète lui a dit, dis. Et il lui a répété deux fois de dire, dis. Et il lui a dit, qu'est-ce que je dois dire, Abdullah? Il lui a répondu. Et ensuite, le prophète sallam lui a récité donc, jusqu'à qu'il termine les deux sourates. Il lui a récité, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, jusqu'à qu'il la termine. Et il a récité également, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, jusqu'à qu'il la termine. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallam? Il a dit, مَا تَعَوَّذَ النَّاسُ بِأَفْضَلِ مِنْهُمَا. C'est-à-dire que les gens ne se sont pas protégés par ce qui est meilleur de cela. C'est-à-dire que rien n'équivaut à ces deux sourates lorsqu'on demande la protection à Allah Azzawajal. Lorsqu'on demande la protection, il n'y a rien qui équivaut à ces deux sourates. Et ce qui va venir appuyer cela, c'est le hadith suivant que va nous rapporter également le shir, et qui est hadith Abi Sa'id, Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala an, قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنس فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك رواه النسائي بإسناد حسن. Ce deuxième hadith, ou ce troisième hadith comme le deuxième, il est rapporté par Al-Nasa'i et sa chaîne de transmission est bonne, Hassan. Ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'explique Abu Sa'id al-Khudri, que le prophète sallallahu alayhi, il demandait protection et il se protégeait de Aïn al-Jan, c'est-à-dire de l'œil, et ici bien entendu le mauvais œil, des djinns, et également de l'œil de l'humain, c'est-à-dire le mauvais œil de l'humain. فَلَمَّا نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَةً. Et ça bien sûr c'était avant que ces deux sourates, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, elles soient descendues. Qu'Allah fasse descendre ces deux sourates par bien sûr al-Wahi, par l'intermédiaire de Jibril. Avant qu'elles descendaient donc, il disait des doigts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elles sont descendues, il a délaissé tout ce qu'il disait comme donc invocation de protection. Il a délaissé tout. Et ensuite, il s'en est remis uniquement à ces deux sourates qu'on appelle al-mu'awwidhatan, c'est-à-dire les deux sourates protectrices. فَلَمَّا نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ. Donc il les a prises et il a délaissé tout ce qui était en dehors d'elles. C'est-à-dire qu'il a ensuite continué jusqu'à la fin de sa vie la protection, la demande de protection envers Allah Azzawajal en récitant ces deux sourates. Ensuite, un autre hadith également qui nous prouve l'importance de ces sourates et qui est hadith Uqba ibn Amir. Donc c'est encore Uqba qui rapporte ce hadith comme le premier qui nous a été rapporté dans ce livre. قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه الترمذي ولفظه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. Donc ici on voit que Uqba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné, أمرني, أمر, il lui a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire Al-Mu'awwidhat, et qui sont donc les sourates protectrices à la fin de chaque prière. Fidouboli kulli salat, à la fin de chaque prière. Et comme on sait, divergence entre les savants, lorsqu'on entend ce terme Fidouboli kulli salat, est-ce que c'est avant le taslim, c'est-à-dire les réciter avant le taslim, avant de saluer dans la prière, ou après le taslim, une fois qu'on a totalement fini la prière. Donc deux avis par rapport à cela. Des savants et d'autres savants qui font une différence entre al-dhikr et entre al-adaya ou al-dua. À la kulli hal, ce hadith est rapporté par Abu Daoud. Il est rapporté également par l'imam al-Tirmidhi avec une autre version. Et ce qui change, c'est le mu'awwidhatayn, c'est-à-dire les deux sourates protectrices que l'on lit donc à la fin de chaque prière. Fidouburi kulli salatin. Donc ça, c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Uqba. Il lui disait donc de lire ces sourates à la fin de chaque prière. Donc ici, c'est légiféré de lire ces deux sourates. Ensuite, le cheikh va passer, après nous avoir rappelé les mérites de ces sourates à travers ces hadiths qui sont marfour, qui sont élevés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous rappeler et il va nous éclaircir quels sont les sens de ces versets. Fayaqul, ومعنى أعوذ برب الفلق ألتجي وأعتصم بالله. وقد اشتملت هذه الآية على أنواع التوحيد الثلاثة، فإن العوذ بالله توحيد الألوهية، ورب الفلق فيه توحيد الربوبية، فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن من أسماء الله الرب، هو سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه. ومثل الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة، وقول أعوذ برب الناس في سورة الناس. طيب الشيخ lorsqu'il dit أعوذ برب الفلق، lorsqu'il nous explique ce verset، il dit التجي وأعتصم بالله، ça veut dire tout simplement c'est que je me réfugie et je me protège auprès d'Allah عز وجل. Je me réfugie auprès d'Allah عز وجل et je me protège auprès d'Allah. رب الفلق، le Seigneur de l'aube. Il va nous préciser ici le shir que dans ce seul verset on va retrouver les trois catégories du tawhid. Dans ce seul verset on va retrouver les trois catégories du tawhid. Comme on va retrouver également les trois catégories du tawhid dans la première sourate que le shir nous avait expliqué, qui était sourate al-fatiha, dans le premier verset également de sourate al-fatiha qui était alhamdulillahi rabbil alamin, lorsque le shir a mis en évidence que ce verset englobait les trois catégories du tawhid. Et de même, la sourate qui va venir ensuite, que l'on va étudier, qui est « Qul a'udhu bi rabbin nas », le premier verset de cette sourate également contient les trois catégories du tawhid. Comment cela ? Quel est le détail de cela ? Il nous dit, on revient sur le verset « A'udhu, a'udhu » qui est « bimana al-tajim wa'atasim billah ». Donc on demande protection. Donc ici, la demande de protection, ça rentre bien entendu dans l'invocation. On demande à Allah Azzawajal la protection. فإن العوذ بالله توحيد الألوهية. Se rappelant que dans un premier temps توحيد الألوهية on appelle également توحيد العبادة والتوحيد الإلهية, et que ces trois termes veulent dire la même chose, et ça revient en fait à l'unicité d'Allah Azzawajal dans son adoration. C'est donc adorer Allah Azzawajal seul sans lui associer quoi que ce soit. Et donc on voit ici que أعوذ, lorsqu'on dit A'udhu, on demande la protection. Demande de protection, c'est une invocation. L'invocation, ça rentre dans l'adoration. Donc ici, c'est un acte d'adoration. Et l'acte d'adoration ne peut être émis que pour Allah Azza wa Jal. Donc dans ce sens, on vient de concrétiser le tawhid qui est propre à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tawhid al-uluhiya, ou tawhid al-ibada. Donc en ce sens, lorsqu'on dit A'udhu, on a concrétisé cette partie de l'unicité, cette catégorie de l'unicité. Ensuite, pour ce qui est du tawhid al-rububiyya, donc tawhid al-rububiyya, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie, dans sa souveraineté, subhanahu wa ta'ala. Il va tout simplement être ici relaté par l'un des noms d'Allah Azza wa Jal qui est Ar-Rabb. Et on voit bien que Ar-Rububiyya vient du nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rabb, et qui est bien sûr le Seigneur. Et qui est donc le Seigneur et celui qui détient toutes choses, le maître de toutes choses et celui qui a créé toutes choses. Dans ce sens-là, c'est le tawhid de la souveraineté, le tawhid de la seigneurie, tawhid al-rububiyya, qui est donc contenu à travers ce nom. Et également, à travers ce nom, on en déduit tawhid al-asma wa sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et ses attributs. Comment cela ? Parce que ce nom-là, c'est un nom d'Allah Azza wa Jal, et c'est donc une unicité qui va être propre au nom d'Allah et à ses attributs. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il est unique dans ses noms et dans ses attributs, que personne n'est égal à lui dans cela. Et il est donc l'unique dans ses noms et ses attributs. De par là, c'est Tawhid al-Asma wa Sifat. Et Allah Azza wa Jal, wa ar-Rabb, ar-Rabb, bil-alif wal-lam, c'est-à-dire le Seigneur. Le Seigneur ici, bien sûr, lorsqu'on dit Ar-Rab, c'est avec l'article défini. Et Ar-Rab, on ne peut utiliser ce nom-là, Ar-Rab, défini, que dans le droit d'Allah Azza wa Jal. Car c'est lui le Seigneur de toutes choses. C'est lui le souverain de toutes choses. C'est lui qui est le maître de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Et donc, en ce sens, lorsqu'on affirme, lorsqu'on reconnaît ce nom et son sens, alors également, on va attester ici l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et ses attributs, parce qu'on atteste que ce nom est unique à Allah Azza wa Jal, et qu'il est donc, il a donc, Allah Azza wa Jal détient l'unicité pure dans ses noms et ses attributs, et en l'occurrence ici, le nom Ar-Rabb. Donc dans ce verset, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, également dans le premier verset de Surat An-Nas, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, on a donc les trois catégories du tawhid. Ensuite le shir il passe à la suite du verset, ou toujours dans le verset, toujours dans le premier verset, na'am, il va nous donner l'explication de Al-Falaq. Al-Falaq, Al-Falaq, il dit le shir, ma'na as-subh, comme donc cela a été traduit, l'aube, as-subh, fi qawli jumhur al-mufassirin, c'est donc la parole de la plupart des savants du tafsir. Et l'imam Ibn Kathir a attribué cette parole à Jabir wa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum wa ghayrihima, et d'autres encore. Et ce verset là donc, comme il nous dit le shir, wa mithl qawlihi, il est comme le verset suivant, comme la parole d'Allah Azza wa Jal, faliqul isbah, faliqul isbah. Et donc faliqu, c'est ici ism fa'il, c'est donc ism fa'il, et qui vient du verbe, et qui est pris du verbe falaqa, et qui au niveau de la traduction, au niveau du sens, veut dire fendre, veut dire fissurer. Donc faliqul isbah, donc celui qui fend l'aube, al-isbah. Et ça c'est Fisurat al-An'am, ce verset Fisurat al-An'am est le verset 96, si on peut l'écrire en français. Wa qawluhu was-subhi idha asfar, was-subhi idha asfar, ça c'est Fisurat al-Muddathir qui est le verset 34. Was-subh, donc Allah Azza wa Jal il jure ici par sa créature qui l'aube, was-subhi idha asfar. Et asfar bimana ashraq, ashraqa, c'est-à-dire donc au moment où il se dévoile, où il prend son éclat, au moment où il brille, donc au moment où il se lève l'aube. Wa qawluhu was-subhi idha tanaffas, was-subhi idha tanaffas, lorsque l'aube respire. Was-subhi idha tanaffas. Et nous dit le shir, wa la'alla takhsisa bi-dhikri لأهميتي في حياة الناس ومعايشهم قال الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. Ça c'est في سورة القصص et c'est le verset 71. Il nous dit ici qu'Allah عز وجل il a donc rappelé As-Subh, qui est le Falaq. Et il l'a précisé dans ce verset. Et le fait qu'il lui a donné donc une place particulière en le citant dans le début de ce verset, il nous rappelle la Hikmah, la sagesse, le Shia, en disant que tout simplement, c'est de par son importance fondamentale dans la vie des gens. Dans la vie des gens. Et il nous a rappelé ensuite le verset dont le sens ou dont la traduction du sens dit, que diriez-vous si Allah vous assignait la nuit en permanence? Naam. Si Allah Azzawajal de manière continue jusqu'au jour de la résurrection n'avait jamais fait apparaître la journée et avait toujours laissé la nuit planer sur le monde, c'est-à-dire que les gens vivraient toujours dans les ténèbres de la nuit, il dit, quelle divinité autre qu'Allah pourrez-vous vous apporter une lumière? N'entendez-vous donc pas? Donc en ce sens, Allah Azza wa Jal nous fait comprendre dans ce verset qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui, donc de par cet acte, qui mérite seul l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a apporté la lumière. Alors que s'il n'y avait eu que la nuit, les hommes n'auraient pu vivre. Parce que la personne a besoin, et c'est un besoin vital du jour. C'est un besoin vital du jour. Et le jour commence par l'aube. Le jour commence par l'aube, bien entendu. Et c'est donc dans ce sens-là, et pour faire relater l'importance de cela, qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans Surat Al-Falaq, donc Al-Subh, c'est-à-dire l'aube, lorsqu'il a dit Allah Azza wa Jalla, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Ensuite le shir il dit, ثُمَّ ذَكَرَ الْمُسْتَعَاذَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ وَوَ يَشْمَلْ أَيْ شَرٍ مِنْ أَيْ مَخْلُوقٍ ثم نص على الشرور ثلاث من المخلوقات ولعل تخصيصه بالذكر مع أنها داخلة في عموم من شر ما خلق لخطورتها وشدة ضررها. Le shir nous dit ensuite qu'Allah Azza wa Jal, il nous a ensuite rappelé ce dont on se protège, On demande protection à Allah Azzajal. De quoi? Et donc, il vient ensuite le deuxième verset. Min sharri ma khalaq. Min sharri ma khalaq. C'est-à-dire donc du mal de ceux, des êtres créés, des êtres donc qu'il a créés. Et il nous dit le shir ici que cela s'englobe tout le mal de façon générale, le mal qui se trouve dans tous les êtres créés, qu'Allah Azzawajal a créé. Donc on voit ici, ça a un sens général, le verset il a un sens général. Et ensuite, il va y avoir, lorsque Allah Azzawajal, après avoir cité tout ce qui rentre dans ses créatures, tout ce qui est donc de ses créatures, il va citer trois de ses créatures ensuite, comme on va le voir à la suite du verset. Et donc on voit ici qu'il y a la citation de ce qui est général et qui rentre ou qui est relaté par tout ce qu'il a créé. Et ensuite, il y a la citation de ce qui est particulier et qui va être donc traduit donc par ces trois choses. Par ces trois choses. Et il nous dit pourquoi, quelle est la hikma de cela? Pourquoi Allah Azza wa Jalla, dans un premier temps, il a cité ce qui est général et ensuite il a cité ce qui est particulier, sachant que ce qui est particulier va rentrer dans ce qui est général. Donc c'est comme s'il y avait eu deux citations par rapport au fait que ces trois choses qui sont créées, qui vont être citées après, vont rentrer dans ce qui est créé de façon générale, donc du mal de cela. Il nous dit, Al-Hikma, c'est pour nous faire comprendre son danger. Le danger particulier est très appuyé de ces trois choses. وَشِدَّةِ ضَرَرِهَا, c'est-à-dire le préjudice important qu'ont ces trois choses, que le mal qu'ont ces trois choses envers la personne humaine. Donc c'est pour qu'on prenne conscience de cela. Ensuite il dit le shir, وَقَوْلُهُ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ أي الليل إذا أقبل بظلامه حكى ابن كثير عن ابن عباس وغيره وفي القاموس المحيط وقب الظلام دخل وهو يقابل الفلق لأن الفلق إقبال النهار ووقوب الغاسق إقبال الليل ومنه قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فإن بعد دلوك الشمس هو زوالها صلاتين هما الظهر والعصر وفي غسق الليل وهو أوله صلاة المغرب والعشاء وفي أول الليل تنتشر الشياطين. طيب le shir nous dit ici en nous citant ensuite le 2 ou le 3e verset, ومن شر غاسق إذا وقب. Il nous dit le shir, pour expliquer donc ce 3e verset, il dit الليل إذا أقبل بظلامه. Donc le sens ici de ce verset, ومن شر غاسق إذا وقب, il dit, c'est lorsque la nuit débute par ses ténèbres. C'est lorsque la nuit débute par ses ténèbres. Et cette parole-là, elle est attribuée de la part d'Ibn Kathir à Ibn Abbas. Et donc, il revient également au sens, lorsqu'on dit waqaba dhalam, c'est-à-dire dakhala, c'est-à-dire lorsque les ténèbres débutent, lorsque rentrent les ténèbres. Donc, ils rentrent dans ce jour qui est présent, ils rentrent et vont donc prendre place les ténèbres. C'est-à-dire qu'il vient donc, il vient en opposition avec l'aube. Pourquoi? Parce que nous l'explique le shir, l'aube est le début de la journée, alors que al-rasiq, qui est ici al-layl, qui est la nuit, c'est le début de quoi? De la nuit. C'est le début de la nuit. C'est donc au moment où on va se coucher le soleil et va débuter donc la nuit. Min sharri ghasiqin idha waqab. Donc au moment où la nuit rentre, débute. C'est dans le sens qu'on comprend. Donc on se protège du mal de cela. Certains savants donnent également une autre explication pour le terme ghasiq, et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et qui est authentifié par Sheikh al-Albani rahmatullah alayh, et qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ista'idhi billahi min hadha fa innahu al-ghasiq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour et il est avec Aïcha et il a dit ista'idhi billah, c'est-à-dire demande protection à Allah azzajal de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré de par sa main ou de par son doigt, il a montré en direction de al-qamar, il a montré en direction de la lune et il a dit à ce moment-là fa innahu al-ghasiq idha waqab, donc comme dans le verset min sharri ghasiqin idha waqab, il a dit fa innahu al-ghasiq idha waqab, c'est donc al-ghasiq, donc on reprend le terme en arabe, idha waqab, lorsqu'il apparaît. Et bien sûr, ici, le rasir, donc on va comprendre que c'est le qamar, que c'est la lune. Et également, une précision que l'on donne, certains méchères, comme nous le rapporte Cheikh Al-Albani, disent qu'il n'est pas permis de montrer la lune du doigt. Et ici, dans ce hadith, on a bien le contraire. Le prophète sallam a bel et bien montré, de par sa main ou de par le geste de sa main, al-qamar, la lune. Donc, il est permis de faire cela. Et donc, il a dit à Aïcha, ista'idhi billah. Demande de protection à Allah Azzawajal de cela. À la kulli hal, si on prend donc al-layl, ou qu'on dit qu'al-qamar, si on dit le début de la nuit, ou si on dit qu'al-ghasr, ici c'est le qamar, lorsqu'elle apparaît, ça relate à la kulli hal le début des ténèbres. Ça relate dans les deux cas le début des ténèbres. Et c'est ici le mal de cela, lorsque les ténèbres débutent. Et on va voir ensuite dans le hadith qu'il va nous rapporter, on va comprendre un peu plus ce qu'il arrive au moment où les ténèbres rentre. Qu'est-ce qu'il arrive exactement? Taïb. Donc, que ce soit l'explication de Al-Layl ou Al-Rasiq Al-Layl ou Al-Qamar, ça relate la même chose. Et on va se protéger donc ici de ce qui rentre dans cela. Et ensuite, il nous cite un verset, le Shir, pour appuyer et pour nous dire que, donc, qu'au début, et qui est le verset suivant, Aqimis Salata li duluki shamsi ila rasiq al-layl. Il nous dit le Shir ici, que au moment donc Duluk Shams qui est Zawalwa, c'est au moment où commence à pencher le soleil, donc après le temps du midi. Et on a deux prières à ce moment là on a la prière du Dhuhr et la prière du Asr. Et ensuite Firasaq al-Layl, donc au moment où va rentrer la nuit, qui est donc le début de la nuit, il nous dit on a donc les deux prières qui vont arriver également, qui sont Al-Maghrib ou Al-Aisha, c'est à dire Al-Maghrib ou Al-Aisha, qui sont la prière du Maghrib et la prière du Aisha. Ensuite, donc on a deux prières au moment où le soleil commence à pencher, Zawalwa, et également au moment où il se couche, au moment où il s'est couché le soleil, et donc a commencé à apparaître Al-Dhalam, les ténèbres, et qui sont Salat Al-Maghrib ou Al-Aisha. Et il nous dit le Shir ici qu'on va donc comprendre par rapport à ce qu'on a dit auparavant dans ce verset. Il nous dit Fi awali layl tantashiru ash-shayatinu kama fi sahih al-Bukhari. Il nous dit que au début, lorsque la nuit commence, le Shir nous dit que à ce moment-là, les shayatin, les diables, ils se propagent. Les diables, ils se propagent au moment où rentre la nuit. Donc à ce moment-là, au moment où rentre la nuit. Il va nous rapporter un hadith du prophète sallam qui vient authentifier cette parole. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, de même l'imam muslim dans son authentique également. An Jabir radiyallahu ta'ala anhu, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, idha kana junhu al-layli aw amsaytum fakafu sibyanakum fa inna ash-shayatin tantashiru hina idhin fa idha dhahabat sa'atu min al-layli فحلوهم أو فخلوهم. Les deux versions sont bonnes. فحلوهم أو فخلوهم. الحديث. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, c'est un hadith qui nous est rapporté par le compagnon Jabir, qui nous rapporte cette parole du prophète, radiyallahu ta'ala anhu, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la suivante. إذا كان جنح الليل. الجنح, c'est en fait ظلامه. الجنح, c'est ظلامه. Et on dit ajnaha al-layl bimana aqbala zalamuhu. On dit ajnaha al-layl aqbala zalamuhu, c'est-à-dire on dit ajnaha al-layl lorsque les ténèbres de la nuit commencent, débutent, se répandent. Et lorsqu'on dit idha kana julhu al-layl, on comprend par cette parole du prophète lorsque les ténèbres de la nuit commencent à se répandre, et donc on rentre dans la nuit. Aw amsaytum, ou alors vous êtes en état de soirée, donc ça revient également ici au début de la nuit. Fakufu sibyanakum, c'est-à-dire gardez vos enfants, c'est-à-dire ne les laissez pas sortir. Fa inna ash-shayatina tantashiru hina idhin. Pourquoi? Parce que les diables se propagent à ce moment-là les diables se propagent. Fa idha dhahabat sa'atun min al-layl fahulluhum aw fakhalluhum, c'est-à-dire et s'il y a une heure. Et bien sûr, on a déjà dit que l'heure, ce n'est pas l'heure dans les textes et dans la langue arabe. L'heure, ça ne veut pas vouloir dire 60 minutes comme nous on connaît lorsqu'on dit l'heure, mais un temps. Donc il nous dit le prophète, lorsqu'un temps est passé de la nuit, فَإِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ, et dans une autre version, فَخَلُّوهُمْ, c'est-à-dire, laissez-les. Vous pouvez les laisser. Et donc, bien sûr, فَكُفُّوا سِبْيَانَكُمْ إِمْنَعُوهُمْ مِنَ الْخُرُوجِ, c'est-à-dire, interdisez-les de sortir. Ibn Hajar nous explique ici qu'en fait, les diables, ils sortent tous à ce moment-là. Et que leur force se multiplie durant la nuit, c'est-à-dire dans le noir. Dès qu'il y a du noir, les diables en profitent pour sortir avec force. Et c'est là qu'ils trouvent leur force et leur énergie. Et c'est donc à ce moment où ils se propagent. Ils se propagent tous à ce moment. Taïb, donc c'est un danger pour les enfants. Surtout pour les enfants, c'est un danger. C'est pour ça que le prophète Sallam, à ce moment-là, il nous dit au moment du Maghrib, hein, au moment où va rentrer les ténèbres de la nuit, il faut donc garder nos enfants. Et lorsque les ténèbres, c'est-à-dire lorsque ce moment-là, il est parti, c'est-à-dire après un moment de la nuit, lorsque la nuit donc a commencé et qu'un temps est passé, alors on peut à ce moment après les laisser. فَخَلُّوهُمْ. Donc ici ça rentre bien dans l'explication du verset وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ. Et donc comme on a expliqué, lorsque le début de la nuit commence, c'est-à-dire que ces ténèbres se répandent. Ensuite, l'avant-dernier verset, le shir nous dit قُلُوا وَمِنْ شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدْ أي السواحر التي ينفثن في العقد في سحرهن والسحر يكون من الرجال والنساء ولعل تخصيص النساء بالذكر لكون السحر فيهن أكثر منه في الرجال. Que dans l'autre verset, le verset suivant, lorsqu'on demande à Allah Azzawajal de la protection contre quoi? Et contre le mal de celles qui souffrent sur les nœuds. Il nous dit c'est as-sawahir, ou les sorcières. Naam. Ce sont les sorcières. C'est pour ça que dans la traduction, on vous met entre parenthèses les sorcières. Qui, au moment où elles font un nœud, elles insufflent leur sorcellerie. Donc elles font un nœud, et à ce moment-là, elles insufflent sur ce nœud leur sorcellerie. Wallah al-musta'an. Il nous dit que le sihr, la sorcellerie, comme on sait, c'est un acte qui est fait par les hommes comme par les femmes. Mais ici, Allah Azza wa Jal a cité de manière particulière les femmes. Et il nous dit le shir, parce que la sorcellerie se trouve beaucoup plus et beaucoup plus répandue chez les femmes que chez les hommes. Donc c'est dans ce sens que le verset est venu en citant les femmes parmi les sorciers, donc les sorcières. C'est dans ce sens, parce que c'est bien plus répandu chez les femmes que chez les hommes, la sorcellerie. Et c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est connu, que les femmes pratiquent la sorcellerie bien plus que les hommes. Et que c'est bien plus souvent les hommes qui sont victimes de la sorcellerie des femmes que l'inverse. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Wallah al-musta'an. Ensuite, le shir nous dit وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ, et qui est donc le dernier verset, et qui est donc la dernière créature dont on demande à Allah Azza wa Jal de se protéger de son mal. Wallah al-musta'an. Il nous dit le shir, الحاسد والذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود سواء حصلت للحاسد أو لم تحصل ويدخل في ذلك الحاسد الذي يصيب بعين والذي لا يصيب بالعين وإنما قيد الاستعاذة من شر الحاسد بقوله إذا حسد لأن الضرر منه يكون بتلبسه بالحسد وتعلق نفسه أو نفسه بحاسد المحسود. Le shir nous dit ici que al-hasid, l'envieux, celui qui est envieux, al-hasid. Qu'est-ce que l'envieux? Al-hasid, et donc al-hasid qui est ismun fa'il, et c'est donc celui qui fait l'action du hasad, de la jalousie. Al-hasad. Il nous dit wallazi yatamanna zawal an-ni'mati 'an al-mahsud. Il espère, cette personne-là, elle espère que le bien qui est présent de la personne qu'elle jalouse disparaisse. C'est ce qu'elle espère, cette personne-là, al-hasid. Celui qui te fait, qui est envieux envers toi, il espère que le bien que tu possèdes disparaisse. Ça, c'est al-hasid. Et que ce bien soit présent chez al-hasid ou qu'il ne soit pas présent. Dans les deux cas, il sera quand même hasid, qu'il l'a ou qu'il l'a pas cette ni'ma. Et il rentre également dans Al-Hasid, celui qui t'envie de par son œil, c'est-à-dire le mauvais œil, Al-Ayn. Et celui également qui ne fait pas de cela, c'est-à-dire que son hasad reste et vient du cœur uniquement. Mais donc ça peut venir de l'œil, c'est-à-dire il peut t'atteindre par son œil, par son mauvais œil, wallah al-musta'an, ou ne pas t'atteindre par cela. C'est ce qu'il nous dit le shir. Yusibu bi'ayni walladhi la yusibu bi'ayni. Al-hasid alladhi yusibu bi'ayni walladhi la yusibu bi'ayni. Qu'il t'ait atteint de par son œil ou pas, dans les deux sens, il sera considéré comme al-hasid. Et bien entendu, le mal ici, c'est pour ça qu'il est cité dans le verset idha hasad, c'est-à-dire au moment où il en vit. Quand il en vit, le moment où il en vit. Et bien sûr ici, comme nous répète le shir, c'est que le préjudice est connu, et que la personne va s'accrocher donc à cette jalousie, bihasad al-mahsoud, qu'il a envers celui à qui il est fait jalousie, wallah al-musta'an. Voilà donc pour cette sourate, sourate al-falaq. On va passer ensuite à la dernière sourate que le shir va nous expliquer, et donc par là terminer l'explication de ce livre, et qui est sourate al-nas. سورة الناس يقول الشيخ قوله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس دي je cherche protection auprès du Seigneur des hommes ملك الناس le souverain des hommes إله الناس le Dieu des hommes, la divinité des hommes. Min shar al-waswas al-khannas, contre le mal du mauvais conseiller, le furtif. Alladhi waswisu fi sudur an-nas, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Min al-jinnati wan-nas, qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain. Donc on va voir que dans le dernier verset, ils ont pris un des avis. Lorsqu'ils disent qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain, on va voir les deux avis qui nous sont donnés par les savants. Il nous dit le shir que dans un premier temps, comme il l'a expliqué donc dans Surat al-Falaq, il nous a expliqué que dans cette sourate-là, tout simplement, il nous a d'abord cité les hadiths qui représentaient le mérite de cette sourate et sourate al-Falaq. Il a également insisté sur le fait que le premier verset de cette sourate Nas, comme le premier verset de sourate al-Falaq, englobait, comprenait les trois catégories du tawhid. Ici, dans sourate al-Falaq, قل أعوذ برب الفلق. Ici, قل أعوذ برب الناس. Donc, pourquoi Allah عز وجل il a cité الناس? Quelle est la hikma? Le shir va nous en faire part. Il nous dit: وإنما ذكر ربوبية للناس مع أنه رب العالمين رب كل شيء ومليك لشرف الإنس ولهذا أرسلت منهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب والجن تابع لهم أو تابع لهم كما تقدم الاستدلال لذلك في سورة الأحقاف. Le shir nous dit Naam. Il nous dit qu'Allah Azzawajal, on sait qu'il est la divinité et il est également le maître de toutes choses qu'il a créées. Rabbul Alamin, il est le Seigneur des mondes, comme a fait Surat al-Fatiha. Alhamdulillah, Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes. Ici, il a cité Allah Azzawajal, les hommes. Donc, de manière particulière, on voit encore un aspect particulier lorsqu'il cite les hommes et qui sont qu'une partie de tout ce qu'il a créé, Allah Azzawajal. Et qui sont qu'une partie de ces mondes, Al-Alamin, de ces mondes. Il nous dit, il a fait cela, Allah Azzawajal, de par l'honneur qu'il a donné à l'homme. De par l'honneur qu'il a donné à l'homme. L'Isharaf al-Ins. Et c'est pour cela qu'il a envoyé deux des hommes, c'est-à-dire qu'il a pris parmi les hommes des envoyés. Et qu'il a envoyé, ou qu'il a fait descendre chez eux les livres. C'est-à-dire que les djinns les suivent dans cela. Et on a vu, lorsqu'il nous dit le shir, kama taqaddama al-istidlalu lidhalika fi surat al-ahqaf, on avait vu dans un verset qu'il avait choisi, le shir fi surat al-ahqaf, et qui était le verset wa idha sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-quran falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallu ila qawmihim mundhirin. Donc on avait vu dans l'explication de ce verset que nous avait donné le shir que les djinns, il n'y a pas des prophètes parmi les djinns, qu'il n'y a pas des envoyés qui ont été choisis parmi les djinns. Les envoyés, ils ont été choisis parmi les hommes uniquement, et ça c'est la parole authentique. Par contre, chez les djinns, il y a des avertisseurs. Il y a des avertisseurs, ceux qui sont considérés comme navir ou munvirin, ceux qui avertissent. Mais il n'y a pas donc, il n'y a pas eu de révélation faite aux djinns. Donc il n'y a pas eu d'envoyé parmi les djinns et de prophète parmi eux. Ça c'est ce qu'on avait déjà étudié. Donc ils suivent les hommes par rapport à cela. Eux ils vont suivre les envoyés des hommes. Comme lorsque, bien entendu, dans la sourate ou dans le verset qu'on a cité, lorsque une partie des djinns ont écouté le Coran qui a été descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ensuite ils ont été avertir leur peuple de ce que contenait le Coran. Donc on voit que c'était des avertisseurs, et qu'ils ont pris donc de l'envoyer parmi les hommes, et ici en l'occurrence au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça, il y a la sharaf, pour cet honneur qu'Allah azzawajal a fait en choisissant parmi eux des envoyés qu'il a cités dans ce verset, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, alors qu'il est bien entendu le Seigneur des mondes, رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ensuite, le shir nous dit que dans cette sourate, on trouve trois parmi les noms, des nobles noms d'Allah Azzawajal, des noms parfaits d'Allah Azzawajal, trois, et qui est Rabb, Al-Malik wal-Ilah. Rabb, Al-Malik wal-Ilah. Et donc, le musulman, il demande protection de par ces trois noms. Du mal, min sharri al-waswas, alladhi wa ash-shaytan. Al-waswas, alladhi wa ash-shaytan, il nous dit le shia, min sharri al-waswas, alladhi wa ash-shaytan. Donc du mal, du shaytan, du diable, alladhi ala ala nafsi bi-irwa ibani Adam. Celui qui a fait le vœu de faire tomber dans l'égarement les enfants d'Adam. Illa man hafidhahum Allah min sharri, sauf ce qu'Allah azawajal a protégé de son mal. Wa wa yuswisu fi sudur 'inda al-ghaflati 'an dhikrillah wa ta'ati wa yakhnas 'inda dhikrillah aw yakhnis, les deux sont permis, wa yakhnas aw yakhnis 'inda dhikrillah fayabta'id 'an al-insan kama qala ibn Abbas idha dhakara Allah al-'abdu khanasa min qalbi fa dhahaba wa idha ghafala iltaqama qalbah فَحَدَّثَهُ وَمَنَّاهُ نَقَلَهُ عَنْهُ الْقُرْطُبِي فِي تَفْسِيرِ. Il nous dit ici, le shir, que le shaitan yuwaswis, c'est-à-dire donc qu'il insuffle son mal dans les poitrines des gens. Et à quel moment? Au moment où ils sont عند الغفلة, insouciant, lorsqu'il est insouciant du rappel d'Allah Azzawajal et de son obéissance, de son adoration. Au moment où il est insouciant de cela, alors à ce moment-là, le shaitan s'active et il insuffle son mal à l'intérieur de la poitrine. Donc à ce moment-là, indal rafla, un dhikrillah wa ta'ati, lorsqu'il est donc insouciant du rappel d'Allah Azzawajal et de son obéissance. Wa yakhnas inda dhikrillah fayabta'id an al-insan, c'est-à-dire wa yakhnas inda dhikrillah, c'est-à-dire qu'il se recule, il recule. Pourquoi? Parce que le verbe khanasa au niveau de la langue arabe, ça veut dire ta'akhara. C'est-à-dire donc qu'il recule. Il recule, il repart en arrière. C'est-à-dire qu'il s'enfuit au moment où la personne se rappelle d'Allah Azzawajal. Qu'elle se rappelle d'Allah Azzawajal, à ce moment-là, il est furtif. C'est pour ça qu'ils le traduisent donc par furtif. C'est-à-dire qu'il s'en va très rapidement et qu'il prend du recul directement. Et s'il recommence à être insouciant, alors il revient sur son cœur. Il s'accroche à nouveau à son cœur et il lui parle, il lui insuffle le mal. Et lui fait espérer. فَحَدَّثَ وَمَنَّاهُ, comme nous l'explique Ibn Abbas, comme cela a été rapporté par Al-Qurtubi dans son tafsir. Ensuite, il nous dit le shir, وَقِيلْ الْمُرَادْ بِالْوَسْوَسْ الْخَنَّاسْ الْقَرِينْ مِنَ الْجِنْ. Donc il y a eu deux explications par rapport à cela. Il y a eu donc ceux qui ont dit que c'était le shaitan lui-même, comme nous l'explique Ibn Abbas ici, et d'autres qui ont dit que c'était الْقَرِينْ مِنَ الْجِنْ, celui qui raccrochait à lui parmi les djinns, c'est-à-dire son compagnon parmi les djinns. Et ils vont tout simplement, les savants qui ont dit cette parole-là, parmi les savants du tafsir, ils vont se rapporter un hadith qui est élevé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths ibn Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma minkum min ahadin illa wa qad wakkala bihi qarinahu min al-djinn wa qarinahu min al-malaika. Qala wa iyaka ya Rasulullah. Qala وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم في صحيح. Dans ce hadith qui nous est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu nous rapporte cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: il n'y a pas une personne parmi vous sans qu'on lui ait chargé d'un compagnon parmi les djinns, quelqu'un dont qarin, quelqu'un qui est toujours accroché à lui parmi les djinns, qui est tout le temps en son compagnie parmi les djinns. Wa qarina min al malaika, également une personne ou un ange qui va lui être également proche de lui, qui va être comme son compagnon. Et dans ce sens-là, al malaika, bien entendu, eux, ils sont là pour le bien. Et le djinn, dans ce sens-là, il va être là pour le mal. Et c'est pour ça que lorsqu'ils ont entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons lui ont dit: et toi aussi, au prophète d'Allah? Il dit: et moi aussi. Et moi aussi. Je n'ai pas fait exception à cette règle par rapport au fait qu'un compagnon m'a été attribué parmi les djinns et également parmi les anges. Il dit sauf, et ici l'exception est faite sur un point, c'est qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: illa anna Allah a'anani alayhi fa aslama, sauf qu'Allah azza wa jal m'a aidé par rapport à lui, c'est-à-dire qu'il s'est converti. فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ, c'est-à-dire qu'il ne m'ordonne que de faire le bien. Ce djinn-là qui s'est converti, et cela de, par la faveur d'Allah Azza wa Jal, qui a voulu aider par là son prophète, et qui à ce moment donc va lui ordonner de faire que le bien. Donc à partir de là, on s'aperçoit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le djinn qui lui a été attribué, c'est quelqu'un qui ne lui ordonnait que de faire du bien, contrairement donc aux djinns des êtres humains, de façon générale. Donc exception a été faite dans ce sens-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'islam du djinn, et par donc le fait qu'il est devenu un conseiller dans le bien uniquement, Donc certains savants ont dit à partir de ce hadith que al-murad ici bil waswas al-khannas, ils ont dit c'est ce djinn-là qui nous ordonne de faire, contrairement au prophète, qui nous ordonne nous de faire le mal, et qui donc insuffle le mal dans nos poitrines, et qui donc a cette fonction là al-waswas al-khannas. Ensuite le shi'a va nous expliquer en nous rappelant une parole de Ibn Kathir pour ce qui est des derniers versets, et notamment alladhi waswisu fi suduri an-nas min al-jinnati wan-nas. Il va nous expliquer ici qu'il y a une divergence entre les savants, donc ces derniers versets pour ces derniers versets alladhi waswisu fi suduri an-nas min al-jinnati wan-nas. Le shi'a va nous expliquer ici que min al-jinnati wan-nas, n'am, est-ce que ça va être relatif à alladhi waswisu ou relatif à sudur an-nas? Dans ce sens, on va donner l'explication. Lorsqu'on dit min al-jinnati wan-nas, qil innahu bayanu lin-nas fi qawli fi sudur an-nas fayadkhulu fi al-jinn taghliban wa qil innahu ma'tuf ala waswas al-khannas wa hudifat wa huwa al-'atf. Tayyib. Dans ce sens, le cheikh nous explique donc les deux tafsirs qui ont été donnés. Dans un premier temps, on voit ici celui qui souffre dans le mal dans les poitrines des hommes. Donc on peut comprendre que celui qui souffre le mal dans les poitrines des hommes, il peut être soit des djinns ou des humains. Donc cette phrase soit des djinns ou des humains, ou soit un djinn ou un humain, va être rattachée à cette phrase qui souffre le mal dans les poitrines. Ou alors qu'il, le conseiller, soit un djinn, eux ils traduisent ici le conseiller. Donc ici, lorsqu'ils traduisent et prennent le sens le conseiller, qu'ils le mettent entre parenthèses, ça veut dire que dans la traduction ils ont pris l'avis d'un des savants, parmi les avis des savants, c'est-à-dire que cela donc est raccroché à qui souffle le mal dans les poitrines, c'est-à-dire qui souffle le mal. Donc ceux qui soufflent le mal, ils sont soit parmi les djinns ou soit parmi les êtres humains. Taïb. Et d'autres vont dire, dont les autres savants, et c'est donc la parole qui va nous dire lorsqu'il nous dit yanou bayan linnas fi qawli sudur linnas fa yadkhul fi al-jinn taghliban. Le shi'a, il va nous dire également, on peut comprendre, c'est l'avis des autres savants, que il est repris fi sudur linnas, c'est-à-dire dans les poitrines des hommes, parmi les djinns et les êtres humains. C'est-à-dire que ceux qui vont être victimes de ce mal sont soit un djinn ou un être humain. Donc on voit bien ici maintenant la différence. C'est-à-dire comment on va relier cette phrase, qui est la dernière, min al-jinnati wan-nas, qu'il soit un djinn ou un être humain, à quelle phrase qui est présente auparavant, on va le relier pour en déduire donc la signification. Donc dans un cas, on va comprendre, pour résumer, que c'est soit ceux qui soufflent le mal, soit ce sont des djinns ou des êtres humains, ou alors que ceux à qui on a soufflé le mal et qui sont les victimes, soit sont des djinns ou des êtres humains. Et bien entendu, le sens diffère dans les deux cas. Taïd. Et ensuite, il va nous rapporter la parole de Ibn Kathir qui met en évidence cela. C'est-à-dire que celui qui va faire l'waswas, est-ce qu'il va faire partie des djinns et également des hommes ou uniquement des djinns? Et dans l'autre cas, si il est lui la victime, est-ce qu'il va faire partie uniquement des hommes ou également des djinns? Taïb. Donc dans ce sens, on voit les deux avis. Et ensuite il dit Ibn Kathir, donc on est toujours dans la parole d'Ibn Kathir, wa qawlu min al-jinnati wan-nas hal huwa tafsil li qawlihi alladhi waswisu fi suduri an-nas thumma bayyanahum fa qala min al-jinnati wan-nas fa hadha yuqawwil qawl al-thani wa qila qawlu min al-jinnati wan-nas تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Donc on voit ici dans le verset qui nous a cité que non seulement وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن, on voit que dans ce verset Allah Azza wa Jalla a placé pour tous les prophètes des shayatines, des djabs, parmi les hommes et parmi les djinns. Donc dans ce sens, on va retrouver le deuxième avis des savants, ou le premier avis des savants, qui nous disent que ici rentrent, qui soufflent le mal dans les poitrines, rentrent les djinns et rentrent les êtres humains, comme c'est cité dans ce verset. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّينَ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ, c'est-à-dire des ennemis parmi les djabs, qu'ils soient donc les hommes ou qu'ils soient des djinns. Et il nous dit également, en nous rappelant une parole de l'imam al-Shawkani, après nous avoir rapporté le shir, la parole de Ibn Kathir, il va nous rapporter également une parole de l'imam al-Shawkani. Il dit وَقِيلْ قَالَ الْإِمَامَ al-Shawkani dans son tafsir يَجُوزْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادِ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنَ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ومن الجنة والناس كأنه استعاذ بربي من ذلك الشيطان الواحد ثم استعاذ بربي من جميع الجنة والناس. C'est-à-dire qu'on peut comprendre également, qu'il nous est permis de comprendre également, comme nous l'explique l'imam Shawkani, que dans un premier temps on a demandé protection à Allah Azza wa Jalla, notre Seigneur, de ce shaitan unique, dont ce shaitan qui souffle le mal, et qu'ensuite on a demandé protection de tout al-jinna wan-nas, c'est-à-dire qu'on a demandé protection de tous les djinns et de tous les hommes. Également, cette compréhension du verset, elle est plausible, comme nous l'explique l'imam Shawkani. Donc, à la kulli hal, après avoir donné donc les différents avis des savants, et comment on va comprendre cela, c'est-à-dire comme cela a précédé, Wallah al-musta'an. Et ensuite donc le shir, il termine par cette parole de l'imam Shawkani, son livre. C'est donc aujourd'hui, walillah alhamd, qu'on termine donc l'explication de ce livre. Et donc aujourd'hui on est le 9-6-2007, ce qui correspond au 23 Jumad al-Awwal de l'année 1428, c'est-à-dire le 9 juin 2007. Et c'est ce jour-là donc qu'on termine l'explication de ce livre. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse profiter de tout ce qu'on a entendu par rapport à ces cours, et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous protège donc, en ayant fini par surat al-Nas, qu'il nous protège donc du mal des djinns et des hommes. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.